frères et sœurs, je vais maintenant passer à la deuxième phase de notre veillée. Maintenant qu'on est bien dans l'Esprit Saint, on ne descend pas, on ne sort pas de l'Esprit Saint. Hein. Mais on peut s'asseoir quand même, sans sortir du Saint-Esprit, sans sortir de la présence de Dieu. Et je voudrais invoquer ce soir, particulièrement, puisque c'est le jour de sa fête, Marguerite Marie Alacoque. Vous savez, Marguerite Marie qui a vu, qui a eu des visions du cœur de Jésus, du Sacré-Cœur. Alors en ce moment, on est en pile dans la semaine, puisqu'on est en train de diffuser le film, le merveilleux film qui a été réalisé et qui parle du Sacré-Cœur. Je pense que la plupart d'entre vous, vous l'avez vu. Ce film où sont relatés les événements qui se sont passés à Paray-le-Monial au milieu du XVIIe siècle, hein, 1647 je crois, ce moment où Marguerite Marie, ou 67 je ne sais plus, où Marguerite Marie reçoit le 16 juin la révélation du cœur de Jésus, où Jésus lui montre son cœur et où elle entend cette phrase magnifique: voici ce cœur qui a tant aimé les hommes qu'il n'a pas épargné son fils jusqu'à se consumer totalement par amour pour les hommes. Alors je voulais juste invoquer ça pour qu'on entre dans l'enseignement. Je vais essayer de... Le morceau que je voudrais vous livrer aujourd'hui est énorme, alors je vais essayer de ne pas être trop long, mais quand même il faut dire quelque chose à propos de l'Eucharistie. Comme vous savez, la dernière fois nous avions parlé de l'Eucharistie comme présence. Vous vous souvenez, on avait dit le plus beau cadeau qu'on puisse faire à quelqu'un, c'est sa présence, d'être là, d'une donnée du temps en présence de l'autre. Et Jésus nous fait le cadeau dans l'Eucharistie, c'est le premier cadeau, la première chose qu'on doit relever, le cadeau de sa présence. C'est le plus évident pour nous quand on célèbre la messe, qu'on entend ces paroles du prêtre qui prend le pain et qui dit: ceci est mon corps, paf, Jésus est là, puisque c'est son corps. Et ensuite, ceci est la coupe de mon sang, Jésus est là avec son sang. Il est présent, c'est une présence extraordinaire, c'est la présence la plus totale qui existe. Vous savez, il y a différents types de présence, et cette présence-là, c'est la présence la plus totale. Il est totalement présent à nous. Et alors vient la question après: pourquoi Jésus se rend-il présent ? Il se rend présent, évidemment, pour que nous puissions le toucher, au moins des yeux, pour que nous puissions recevoir toutes les grâces qui découlent de la présence d'un être. Mais il se rend présent avant tout, et c'est là qu'est l'os, on va dire, la partie dure du mystère de l'Eucharistie, il se rend avant tout présent pour s'offrir en sacrifice. Et là, je viens de lâcher le mot qu'on a essayé d'écarter le plus possible parce que ça nous insupportait, le mot sacrifice. Pourquoi Jésus se rend présent en sacrifice ? Alors, c'est dans la lettre aux Hébreux, vous savez, il y a au chapitre 10, il y a l'auteur de la lettre aux Hébreux qui, inspiré par le Seigneur, par l'Esprit Saint, eh bien, va dire ce que Jésus fait quand il vient dans le monde, ce qu'il dit. Hein, il dit ceci: en entrant dans le monde, le Christ dit. Il se dit intérieurement, quand Jésus vient sur la terre, le Christ, quand il descend dans le sein de la Vierge, qu'est-ce que fait la deuxième personne de la Trinité quand il descend? Qu'est-ce qu'il se dit? Il dit ceci: tu n'as voulu ni sacrifice ni offrande, mais tu m'as formé un corps. Alors j'ai dit: voici, je viens, ô Dieu, pour faire ta volonté. Jésus dit, est en train de révéler la raison pour laquelle il est venu. Il est venu parce que les sacrifices de l'ancienne alliance, les sacrifices que font tous les hommes sur la terre depuis la nuit des temps, n'étaient pas efficaces. Donc, il a pris un corps, Dieu lui a donné un corps, pour s'offrir en sacrifice à la place des sacrifices qui existaient. Voici, je viens. Puisque les sacrifices ne marchent pas, eh bien voilà, tu m'as formé un corps pour que moi, je m'offre en sacrifice. Jean-Paul II, dans les années 80, je ne me souviens plus de la date exacte, écrit une lettre, années 90, écrit une lettre à tous les évêques du monde, qui s'appelle Redemptoris Sacramentum, une lettre très importante, il écrit à tous les évêques du monde une lettre. Et lorsque Jean-Paul, donc un pape, écrit une lettre à tous les évêques, c'est quelque chose. C'est qu'il y a quelque chose qui ne va pas et qu'il veut rectifier quelque chose. Et dans cette lettre, il va écrire au centre, le cœur de sa lettre, c'est ceci. La messe est avant tout un sacrifice. Il dit cela, il le dit parce qu'il y a quelque chose qui ne va pas dans la manière dont les évêques et les prêtres enseignent le mystère de la messe. Ils oublient de dire qu'elle est avant tout un sacrifice. La réalité, c'est qu'il y a eu pendant longtemps, pendant quelques années, et peut-être que nous sommes un peu marqués par ça, forcément, nous avons été marqués par ça, moi-même j'ai été marqué quand j'étais enfant par ça, l'idée que la messe était avant tout, non pas un sacrifice, mais avant tout un rassemblement convivial, un repas convivial, que cette convivialité devait être l'essence du christianisme. Puisqu'elle est la source et le sommet, ça on a bien compris, le Vatican II commence comme ça, les textes de Vatican II commencent comme ça. La messe est la source et le sommet de la vie chrétienne. Et donc, que la source et le sommet de la vie chrétienne, c'est la convivialité. Eh bien, Jean-Paul II veut rectifier ça. Ça n'est pas vrai. La source et le sommet, l'Eucharistie, est avant tout le sacrifice de Jésus. Il faut bien que nous comprenions cela lorsque nous venons à la messe. Nous ne venons pas d'abord pour un moment fraternel, bien que ça fasse partie de la messe, mais nous venons avant tout pour assister au sacrifice de Jésus. Jésus se rend présent sur la terre et il se rend présent dans l'Eucharistie, dans les espèces du pain et du vin, pour s'offrir en sacrifice devant nous. Pour que nous puissions être présents au sacrifice qu'il offre de toute éternité à son Père pour nous. On avait nié cette dimension de la messe essentielle, avant tout. Alors vous voyez, les théologiens à l'époque avaient estimé qu'il ne fallait plus considérer la messe comme un sacrifice. Ils l'avaient dit en toutes lettres. C'est toute une des mouvements de théologie de l'époque, des années 60, 70, même ça a commencé avant, qu'il fallait actualiser les choses et dire non, attendez, le monde a changé, on ne peut plus considérer que la messe est un sacrifice. Pourquoi ? Eh bien, ils avaient comme argument deux choses. Premier argument, c'est que ça rendrait notre Dieu trop semblable au Dieu païen. Que la notion de sacrifice, c'est pour les païens. Et que nous n'offrons plus, nous, de sacrifice dans la religion chrétienne. Nous avons un Dieu plus grand que ça, nous n'avons plus besoin de ça. C'est séduisant comme idée. Dire nous n'avons pas un Dieu païen, nous avons un Dieu chrétien, catholique, et ce Dieu n'a pas besoin de sacrifice. C'est le premier argument. Le deuxième argument, c'était de dire que, alors il y a eu plein d'autres arguments, mais les deux arguments fondamentaux, c'est celui-là. C'est que, donc, d'abord, ça n'est pas un Dieu païen, et d'autre part, le fait de parler d'une nécessité, d'un besoin d'offrir des sacrifices à Dieu pour qu'il nous pardonne, ça réduirait, ça entacherait sa miséricorde. Vous comprenez? Il faudrait offrir des sacrifices pour que Jésus nous pardonne, pour que Dieu nous pardonne. Alors que Dieu peut nous pardonner, que sa miséricorde est infinie et qu'il n'aurait pas besoin de sacrifices. Que ça entacherait la miséricorde de Dieu, ce qui n'est pas vrai. Comme s'il fallait un échange de marchandises avec Dieu, faire du marchandage. Alors, je voudrais juste rapidement essayer de démonter ces deux idées parce qu'elles traînent dans nos cœurs. Il y a des prêtres, et vous avez connu des prêtres forcément, qui ont prêché ça, qui ont enseigné ça. Peut-être pas aussi clairement, mais d'une certaine manière qui ont dit ces choses-là. C'était l'air du temps, et ça a été corrigé. D'abord, l'idée de sacrifice, elle est présente partout, dans toutes les cultures. Dans toutes les cultures. Vous savez que les cultures, ça vient du culte au départ. Et le culte, c'est quoi? Ce sont des sacrifices. Toujours. Dans toutes les cultures du monde, vous avez des sacrifices. Alors bien sûr, vous avez des sacrifices de différents types. Vous avez des sacrifices terribles qui sont des sacrifices humains, qui ont lieu à peu près partout sur la Terre. On dit que c'était simplement les Aztèques, mais en réalité, quand on regarde historiquement l'archéologie, on voit qu'il y a eu des sacrifices humains partout. Vous avez eu toutes sortes de sacrifices. C'est présent dans toutes les cultures. Qu'est-ce que ça veut dire? Même en Amérique, alors qu'il n'y avait pas de lien entre les Européens, on va dire, hein, ou les Africains et les Américains, les Indiens, eh bien, de manière innée, instinctive, tous les peuples de la Terre ont cherché à offrir des sacrifices. Pourquoi? Eh bien, c'est qu'il y a dans l'homme, inné, certaines vérités universelles qui vont se manifester dans les sacrifices. Pourquoi? Alors, je voudrais essayer d'expliquer ce que c'est qu'un sacrifice. Hein, quand on vous parle de sacrifice, vous pensez tout de suite, on va égorger une bête, on va faire couler du sang, et ça va être sanglant, etc. C'est vrai qu'il y a ça dans tous les sacrifices, hein. Sacrifice païen, c'est tout à fait vrai. Mais qu'est-ce qu'il y a derrière? Pourquoi est-ce qu'on fait ça? Eh bien, avant de faire couler du sang, sans parler du sang qui va couler, l'idée pour tous les peuples, pour tous les hommes, c'est d'offrir quelque chose de valable, quelque chose de valeur, d'offrir quelque chose de valeur pour faire plaisir, pour plaire à la divinité, quelle qu'elle soit. Donc le mot qu'il faut garder en premier, c'est de dire « offrir ». Un sacrifice, c'est ça, c'est une offrande avant toute chose. Et pour un Dieu, il faut une offrande qui soit à la hauteur de la divinité. Or, nous savons que les dieux, eh bien, c'est eux qui ont notre vie dans leurs mains. Alors, on offre des vies, à travers des animaux, à travers même des humains. Mais on offre quelque chose. C'est ça l'idée. Première chose, pour faire plaisir aux divinités, à Dieu, pour les remercier, pour rendre grâce. Donc déjà, vous voyez, ça change l'idée, sans parler de l'aspect un petit peu gore du sacrifice, eh bien l'idée de partir du fait que c'est d'abord une offrande et qu'en réalité c'est un acte d'amour. Et oui, c'est un acte d'amour qu'on fait envers Dieu. Et puis, une chose plus profonde, plus grave, c'est l'intuition qu'il y a dans le cœur de tout homme que on doit tout à Dieu, que nous avons une nécessité de réparer le mal que nous faisons et qui offense le divin, Dieu. Donc d'un côté, l'idée qu'il faut offrir des choses par amour pour rendre grâce, et de l'autre, l'idée que nous faisons du mal. Et que, alors, si on est vraiment loin, on se dit, les dieux sont en colère, il faut les apaiser, il faut réparer le mal que nous avons fait. Et plus loin encore, plus fort encore, non seulement réparer le mal que nous avons fait vis-à-vis de ces dieux, mais nous purifier, Et que pour ça, il faut offrir des choses qui ont du prix, de la valeur. Il faut offrir des sacrifices. Il y a dans toutes les cultures religieuses le sens inné du mal que l'on commet. Il y a comme cette conscience allumée dans tous les cœurs qui fait que nous savons que nous faisons du mal et que cela offense la divinité. Et que pour apaiser la divinité dans son offense, parce que bien sûr nous projetons notre colère sur Dieu, sur les divins, et que nous disons, ben, pour apaiser cette colère, il faut offrir des sacrifices. Et non seulement pour apaiser cette colère, mais pour nous purifier. Hein. Nous purifier, ça veut dire permettre un contact avec le divin. C'est ça, hein, la purification, tous les rites de purification, c'est pour permettre de faire un contact avec le divin. Vous savez, dans toutes les cultures, vous avez des autels qui sont très hauts, très élevés, et petit à petit, pour que le prêtre puisse monter à l'autel, il faut qu'il se purifie. Alors il se flagelle, il se trempe dans l'eau, il se lave les mains, il se lave les pieds, il se lave partout, et puis petit à petit, il peut grimper pour arriver jusqu'à l'autel où il va offrir le sacrifice, hein, pour la purification du peuple. Ça, c'est un sens qui affleure dans toutes les cultures. Hein. Vous entendez aujourd'hui même, on en fait des films. Qu'est-ce qu'on a fait au bon Dieu ? Sous-entendu, oui, on a fait quelque chose. Qu'est-ce qu'on pourrait faire pour réparer ? Alors, vous voyez, tout ça, ce sont des choses qui sont innées et qui sont des choses, au fond, qui sont très vraies. Donc, de rejeter les sacrifices, c'est rejeter ces intuitions qui sont présentes dans tous les cœurs de tous les hommes et qui sont vraies, qui viennent de Dieu. Ces intuitions-là sont bonnes, elles sont vraies, elles sont justes, il faut le reconnaître. Nous avons besoin d'être purifiés et nous avons besoin, nous avons envie de plaire à Dieu. Ça, c'est vrai. Hein ? Donc c'est vrai, et ça se trouve partout dans les religions primitives et aussi dans le judaïsme, qui est une religion non pas primitive, mais déjà très élaborée, qui est la religion révélée, qui est aussi notre religion d'une certaine manière. Alors, le problème va se poser. Quel est donc, ça c'est le problème qu'on voit partout, quel est donc le sacrifice qui peut permettre de rendre grâce suffisamment et de réparer, de purifier suffisamment? Ça va être la question, le problème que vont se poser tous les hommes. Quel est le bon sacrifice? Quel est le sacrifice suffisant? Suffisant. Non, on dit le sacrifice qui donne satisfaction. Satisfacere, faire assez. Hein, suffisamment. Le sacrifice qui satisfait. Satisfait à ce que nous cherchons. Et cette question, vous voyez, elle va être la source de l'angoisse de toute l'humanité par rapport à la question du sacrifice. Quel est le sacrifice qui va satisfaire, qui va faire suffisamment ? Parce qu'on sent bien que lorsqu'on offense un Dieu, on fait quelque chose de très très grave. Et il va falloir réparer à la hauteur de ce qu'on a fait. J'offense mon grand frère ou mon petit frère, au même niveau que moi, c'est grave. J'offense mes parents, c'est très grave. Non mais, j'offense le roi, c'est extrêmement grave, ça a eu un impact sur tout un royaume. J'offense Dieu, c'est grave ici. Donc, qu'est-ce que je peux faire pour réparer, pour purifier ce mal que j'ai fait? Eh bien, la réponse va venir de Dieu lui-même, et la réponse, vous la connaissez. Le sacrifice qui va plaire à Dieu, c'est l'offrande de Jésus-Christ. Dieu lui-même qui va s'offrir lui-même en sacrifice pour payer la dette, en rançon. Vous entendez ça pendant la messe, hein ? s'est offert en rançon pour la multitude. En rançon. Donc vraiment en sacrifice. C'est ça que ça veut dire. Ce qui va permettre de rembourser la dette de l'homme, c'est Jésus lui-même qui s'offre en sacrifice. Dieu qui descend sur terre, qui se rend présent. Pour quoi faire ? Pour payer par le sacrifice de sa vie l'offrande à Dieu. Donc, lorsqu'on offre le sacrifice à la messe, le sacrifice de Dieu, de Jésus, c'est ce qu'on fait, hein ? On offre le corps et le sang à Dieu le Père comme chèque en blanc, valeur infinie, valeur divine, pour le remboursement de la dette de tous nos péchés et de ceux du monde entier. C'est ce que nous disons pendant le chapelet de la miséricorde. Hein, Père éternel, je t'offre le corps et le sang, l'âme et la divinité qui sont contenues dans le corps et le sang de notre Seigneur Jésus-Christ, en réparation, en satisfaction, pour nos péchés et pour ceux du monde entier. Voilà le cœur, la source, le sommet de toute la vie chrétienne. Le cœur, la source et le sommet. Et c'est pourquoi, frères et sœurs, lorsque vous venez en semaine à la messe ici, vous voyez que j'offre le saint sacrifice de la messe tourné vers Dieu le Père. C'est pour expliquer ça, c'est pour que nous comprenions bien ça. Le sacrifice que nous faisons, ce n'est pas pour vous. Hein, quand Jésus dit ceci est mon corps livré pour vous, c'est quoi ? C'est pas à vous. C'est à votre place. Ça, hein, ce corps livré pour vous, à votre place, à Dieu le Père. Ceci est mon corps livré à votre place, pour vous, à Dieu le Père. Jésus-Christ, Dieu se fait homme, s'offre lui-même en sacrifice pour nous. Son corps et son sang sont livrés, ils sont versés en rançon pour satisfaire et pour guérir notre angoisse. À la messe, voilà ce qui se passe. Lorsque Jésus institue la messe, il institue l'Eucharistie, hein, au dernier repas. Bien sûr, ça se passe pendant un repas, ça c'est vrai. Mais qu'est-ce qu'il fait ? Il dit « Ceci est mon corps, ceci est mon sang, livré pour vous. » C'est-à-dire qu'il institue un moyen très concret et très simple. Et il explique bien derrière « Vous ferez cela en mémoire de moi, c'est-à-dire en mémoire de mon sacrifice, de ce que je vais faire, pour que partout sur la terre et dans toute l'histoire de l'humanité, on puisse être rendu présent au sacrifice que Jésus a fait un jour, une fois pour toutes, sur la croix. Voilà, j'espère que vous comprenez ce que je viens de dire. C'est-à-dire que le sacrifice de la messe, lorsque nous sommes à l'église, que le prêtre offre le sacrifice, qui dit « Ceci est mon corps, ceci est mon sang, livré pour vous, versé pour vous. » En réalité, tous ceux qui sont présents et qui participent activement, c'est-à-dire dans leur cœur, qui s'unissent à Jésus quand il fait ça, nous sommes tous, à ce moment-là, comme si nous avions été plongés dans une machine à remonter dans le temps et à nous téléporter, direction Jérusalem, le Golgotha, en l'an 33, le jour du Vendredi Saint, à 15h. À ce moment-là, voyez, pendant que je suis à l'autel, le prêtre est à l'autel, qu'il offre, nous sommes tous rendus présents au moment où Jésus s'offre sur la croix en sacrifice de réparation, de communion, d'holocauste, d'offrande pour nous. Voilà ce qui se passe à la messe. Vous comprenez que c'est autre chose qu'un moment convivial. C'est autre chose qu'un repas fraternel. C'est bien plus que ça. Bien plus que ça. La notion de repas va venir après, et on verra ça la prochaine fois. va venir après, au moment où nous allons communier à ce corps qui se livre pour nous. Nous allons communier, pas seulement en esprit, mais jusque dans notre chair. Et là, c'est le festin des noces de l'agneau. C'est pas le repas fraternel. Ça, c'est pour après. C'est le festin des noces de l'agneau, c'est-à-dire que nous sommes unis à l'autel éternel sur lequel se livre la deuxième personne de la Trinité pour nous sauver. Ça, c'est la communion. On verra ça la prochaine fois. Alors, viennent deux questions. Une question, on va dire. Que certains peuvent se poser à propos du sacrifice de Jésus. Est-ce que c'était bien nécessaire, d'ailleurs c'est une question qui s'est posée encore ces dernières années, mais enfin, est-ce qu'il était vraiment nécessaire que Jésus s'offre en sacrifice, vraiment, pour nous sauver? Est-ce qu'il n'aurait pas pu faire autrement que de mourir sur une croix, répandre son sang, c'est sanguinolent, c'est gore, c'est tout ce que vous voulez? Est-ce qu'il était nécessaire? Est-ce qu'il ne pouvait pas faire autrement? La réponse, elle est très claire. Oui, il aurait pu faire autrement, bien sûr. Il aurait suffi que Jésus offre une goutte de son sang, qui est le sang d'un homme, mais qui est aussi le sang d'un Dieu. Il aurait suffi qu'il se plante une aiguille, qu'il offre une goutte de son sang en disant « Voilà, Père, je t'offre mon sang, cette goutte de mon sang, en réparation pour tous les péchés. » Bien sûr, le prix d'une goutte de sang de Jésus, ça vaut tous les péchés de l'humanité. Donc il aurait pu faire comme ça. Mais alors pourquoi est-ce qu'il a fait autrement? Puisqu'il l'a fait. Il l'a fait autrement. Et c'est ça qui est le plus beau. Lorsque Jésus s'offre sur la croix, s'il va jusque-là, c'est parce qu'il a voulu nous dire d'une manière éloquente, nous rappeler, nous faire comprendre de la manière la plus éloquente possible la gravité du mal que nous commettons sur la terre. Que le mal que nous commettons sur la terre, nos péchés, ne font pas simplement mal à notre voisin, notre voisine, ne vont pas simplement détruire l'humanité. C'est pas ça uniquement. C'est déjà grave. Le mal que nous faisons sur la terre, le moindre péché, blesse le cœur de Dieu. C'est ça qui est grave. C'est ça la gravité. Le moindre de nos péchés provoque une douleur à Dieu. Et c'est ça, c'est ce que Jésus a voulu nous faire comprendre. Voyez, en mourant lui-même, lui qui est Dieu, en souffrant jusqu'à la mort pour nous crier « Arrête, arrête, tu me fais mal, tu me fais mal. » Et en même temps qu'il fait ça, deuxième raison pour laquelle Jésus a fait ça, que nous dit saint Thomas d'Aquin, qui a bien réfléchi sur la question, il nous dit voilà, au moment où il meurt sur la croix, il a aussi voulu, en nous faisant réaliser la gravité de nos péchés, lorsque nous voyons Jésus souffrir, il a aussi voulu nous faire comprendre à quel point il nous aime. Jusqu'où va son amour? Jusqu'où le péché est grave et jusqu'où il nous aime. Les deux en même temps, il a voulu nous révéler ça en mourant par amour. Par amour pour nous, pour s'offrir au Père, pour nous, sur la croix. Voyez ce que nous vivons à la messe. Voyez ce qui se produit en permanence, hein, c'est en permanence, dans l'hostie consacrée qui se trouve maintenant dans le tabernacle et où Jésus est là, en train de souffrir pour nous crier qu'il nous aime et qu'il souffre à cause de nous. C'est ce qui se passe en permanence, mais de manière particulière à la messe, nous sommes rendus présents à cela. Et à chaque fois que nous venons adorer le Seigneur, c'est ça que nous voyons. Pas uniquement cela, mais en particulier ça. Jésus est présent en train de souffrir, de mourir d'amour pour nous. Par amour. Voilà ce que je voulais vous dire ce soir. J'ai tenu le timing. Formidable. Je ne pensais pas réussir. Vous voyez que c'était dense quand même, hein, ce que j'ai voulu, ce qu'il fallait dire ce soir. Donc, pourquoi je vous dis tout ça? Parce que je rêverais vraiment que au Lavandou, le dimanche, à la messe, et même en semaine, nous puissions entraîner tous ceux qui sont présents par notre attitude, par notre manière de vivre activement. Hein, quand on a beaucoup parlé de ça après le Concile, hein, le Concile demandait que nous participions activement à l'Eucharistie. Alors on a compris, beaucoup de gens ont compris, ah, activement, ça veut dire il faut que chacun fasse quelque chose. Il y en a une qui fait la quête, il y en a une qui parle, il y en a une qui chante, il y en a une qui danse, il y en a une qui explique, il y en a une qui fait le prêtre à la place du prêtre. Je dis une parce que c'est souvent des femmes d'ailleurs. Ils participent activement. Bien sûr, il faut faire ces choses-là. Mais c'est pas ça que Jésus a voulu. Il faut qu'on chante, qu'on danse, qu'on machin. Non, c'est pas ça que les pères du concile ont voulu exprimer. Ils ont voulu dire participer activement, ça veut dire s'unir de manière active, mais intérieure, au sacrifice. Pas au repas convivial, au sacrifice. Et de cette union au sacrifice vont découler toutes les grâces dont nous avons besoin pour être guéris de notre mal et donc pouvoir ensuite vivre un repas fraternel rempli de l'amour du Seigneur. C'est le fruit, ça. Voilà. Ce que je rêverais au Lavandou, c'est que le dimanche à la messe, vraiment, tout le monde, par son attitude, hein, par son attitude, témoigne aux frères et sœurs de son désir de s'unir à Jésus mort et ressuscité pour nous sur la croix. Amen. Amen. Je vais maintenant exposer le Saint-Sacrement et nous allons, conduits par la Vierge Marie, méditer les mystères douloureux devant le Saint-Sacrement. À un moment donné, j'apporterai la croix que nous utilisons pour le Vendredi Saint. Et je vous inviterai, chacun, chacune, pendant que nous prions, la dizaine de chapelets, à vous approcher et devant Jésus exposé, reproduire ce geste de vénération que nous faisons le Vendredi Saint, d'embrasser Jésus sur la croix. Devant Jésus, Eucharistie, l'embrasser sur la croix pour que s'imprime en nous cette image que lorsque nous sommes en présence de Jésus, Eucharistie, nous sommes en présence de Jésus qui se donne sur la croix par amour pour nous.